pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu défies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le carter est immonde et chez t'en as trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu défies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le carter est immonde et chez t'en as trop de flow. Rêvé, âgé, regard froid, calcul des gains, tu marches droit. Petit déj au bar noisette, dans les poches y'a un, y'a deux, y'a pas trois. La même routine à chaque fois, la bouffe des snacks te tue le foie. Tu coupes des plaques, des 10, des 20 pour faire du chiffre, t'as pas le choix. T'as pas de travail donc pas de chômage, intérim, t'as que démission. Manutention, juste à 3 jours et tu donnes ta démission. Tu fais des choses sans conviction, peu importe les conditions. Tu veux du cash et peu t'importe de combien sera l'addition. Pour toi le shit c'est une tradition qui se perpétue de père en fils. T'aimes bien les croisses, les roues arrière, à la nique sa mère, tu cabres en 6. T'aimes bien l'adrénaline, tu soudes contre la rue à la ligne. T'es sur la lune, les soucis drôles, je porte du gouffre. Sur la ligne, tu vois les grands faire des ronds. Tu vois que tout le monde joue les barons. Tu vois les mêmes qui rentrent, qui sortent. Et tu vois les mêmes qui tournent en rond. Tu vois tes potes devenir darons. Tu vois que le monde tombe pas rond. Tu veux des sous, mais bon, t'es la blanche, le marron. Pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu défies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu défies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'aimes bien l'argent depuis gosse, tu rêves d'être le big boss. T'aimes bien les armes à feu, le silken, ils t'écoutent, tu ricrosses. T'aimes bien les gros matos, comme dans les films de Vatos. T'aimes bien les filles faciles, ce que t'aimes c'est surtout quand c'est gratos. Armes à feu dans le futal, pour toi le calibre est vital. Tu payes donc leur plein pot, pas de CMU, pas de carte vitale. Des terres comme chez les Rital, trop impulsif, t'es brutal. Depuis tout gosse que t'as appris de la rue, c'est la mentale. Ton secteur c'est ton quartier, t'es toujours avec les mêmes. Les mêmes qui pour sauver leur peau, les histoires ils te les mènent. Armé comme au Yémen, peu importe où cela te mène. Tu fais le voyou dehors, ça parle de toi comme un phénomène. Tu te promènes jamais, tu vends du shit toute l'année. C'est toujours les mêmes journées, posées à fumer, planer. Tu penses qu'à craquer, t'armer pour braquer et mettre le paquet, pour toi t'as craqué. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow. T'as pas de compte en banque, t'as même pas de portefeuille. A chaque fois que tu fais bien, les jaloux te portent l'œil. Tu te méfies de tout le monde car tu sais qu'il y a trop de faux. Le terre-terre est immonde et chez t'en a trop de flow.